Hey yo shop, ça c'est P. Au PUS c'est misédaire. Pourquoi j'ai vu la mort me la mettre à l'envers, hein? Pourquoi j'ai vu la mort faire un dernier tri? Mes larmes colorent les graviers gris. J'ai soutenu ma daronne jusqu'à la fin. Ouais, la vie est triste. Main dans la main jusqu'au paradis. Je me suis arrêté devant la billetterie. Bisous, je t'embrasse. Ouais, je sais, le temps passe. Résilience évanescente. Un jour de gloire, ensuite c'est la redescente. On prend la fuite dès le débat naissant. Pourtant, on a signé notre arrêt de mort dès la naissance. À titre personnel, le cercueil me fait moins peur que la vieillesse ou la maladie. Celle qui vient te balader comme Saladin. Hey, les mauvaises nouvelles se succèdent. Celle qui pendant plus d'une sale année te paralyse. Ouais, c'est l'autre. Dans mon encre et l'orage approche de bar en bar. Ma voix traverse la salle de part en part. Est-ce bien le vent qu'on entend crier? Les peurs d'enfants refont surface quand l'un des parts en part. J'ai ma vie et j'ai le rap. Comment faire la part des choses? Comment faire, hein? Soit j'étale toutes mes névroses juste en face des vôtres. Soit j'essaie de rater mes phases sur la part des autres. Hey, j'ai ma vie et j'ai le rap. Comment faire la part des choses? Comment faire, hein? Soit j'étale toutes mes névroses juste en face des vôtres. Soit j'essaie de gratter mes faces sur la part des autres. Monde de requins, on se divise pour un voile ou pour un pendentif. Tu paies rien pour attendre, mais t'as le temps contre toi. Mes détracteurs me mentent comme des grands dentistes. Ils veulent me voir la corde au cou, car ils ont une dent contre moi. J'ai réussi mon coup si. Cette phrase te fait grimacer. Un corps sain qu'on bousille, prison d'un esprit cassé. Auteur interprète de nos soucis. J'suis pas venu pour me plaindre ce coup-ci, mais j'pense que l'on trimacé. Premier couplet vie, second couplet rap. Tu veux qu'on dévisse, tu veux qu'on dérape. Nos relations sont devenues insalubres, car même le pire des cons dérape. On se dit plus à demain, juste un salut. Ouais salut, j'me casse d'ici, ça sent le rat crever. J'ai touché le fond mais j'n'arrête pas de creuser. Les ongles noirs, si j'te laisserai choir. Si tu peux pas m'abreuver, mon rap, ma vie, les deux resteront inachevés. J'ai ma vie et j'ai le rap. Comment faire la part des choses? Comment faire, hein? Soit j'étale toutes mes névroses juste en face des vôtres. Soit j'essaie de gratter mes phases sur la part des autres. Hey, j'ai ma vie et j'ai le rap. Comment faire la part des choses? Comment faire, hein? Soit j'étale toutes mes névroses juste en face des vôtres. Soit j'essaie de gratter mes phases sur la part des autres. Sur la part des autres, sur la part des autres, sur la part des autres, sur la part des autres.